quoi le programme? Je sais que de temps en temps tu pivotes, que je vais te recadrer, tu m'aimeras que moi. Toi je vais te retracer, tu me verras que moi. Mais baby oh, chérie oh, j'ai pas besoin, non j'ai pas besoin d'un bandio. Bandio, hey, baby oh, chérie oh, j'ai pas besoin, non j'ai pas besoin d'un bambino. J'ai besoin d'un mec fort et j'ai besoin d'un mec cool. J'ai besoin d'un mec drôle et j'ai besoin d'un mec doux. Je veux pas de tous tes cigaliens. Moi j'essaye de quitter le balio. J'ai besoin d'un mec fort et j'ai besoin d'un mec cool. J'ai besoin d'un mec drôle et j'ai besoin d'un mec doux. Je veux pas de tous tes cigaliens. Moi j'essaye de quitter le balio. Et je sais que c'est dur de trouver son boy. Je sais qu'à l'usure il fera de toi son bail. Et là tu diras salut, à plus, goodbye. Désolé, t'es nul, papa, goodbye mon petit oh. Idiot, tu crois que c'est ça la vie, que c'est mignon, mignon, eh. Petit oh, idiot, j't'ai déjà dit, j'ai pas besoin d'un bambino. J'ai besoin d'un mec fort.